maison. Je savais que t'avais raison. Tu m'as fait perdre la raison. Je suis pas d'humeur. Je suis en contradiction avec ma fierté. Hey, pourtant mon cœur n'était pas disposé à vouloir s'attacher. Je suis pas d'humeur. Je suis en contradiction avec ma fierté. Hey, pourtant mon cœur n'était pas disposé à vouloir s'attacher. Tu sais, tu m'as tu m'avais du dégât. Non, non, non, tu m'avais du mal.